Chapitre 11e. Dans les derniers jours d'octobre, le mari de X, dont nous avons déjà publié une lettre intéressante, écrivait à son protégé Vibert. D'honneur, grand enfant, ce que vous me confiez dans votre dernière missive excite, je l'avoue, ma curiosité. Je m'ennuyais terriblement et vous êtes parvenu à m'émoustiller un peu. C'est fort bien à vous, et pour peu que vous me distriez encore, je finirai par vous coucher sur mon testament au détriment de mon neveu, un grand Flandrin qui s'est permis dernièrement de faire part devant moi de ses idées libérales. Oui, il a même osé me jeter à la face que je n'étais pas de mon siècle. Morbleu! Voilà une parole qui pourrait bien lui coûter 2 ou 3 millions. Pas de mon siècle. Pourquoi? Parce que je dis le jardin du roi au lieu de dire le jardin des plantes et la rue d'Artois au lieu de la rue Lafitte. Qu'importe si je m'y promène dans la rue Lafitte et si je prends part de temps en temps au Saturnal auquel on s'y livre. Pas de mon siècle, moi. Mais je suis non seulement de ce siècle-ci, mais encore de celui qui suivra, et je lui prédis de jolies catastrophes. Vous m'en direz des nouvelles, monsieur mon neveu, si Dieu vous prête vie, ce qui n'est pas probable, à ne considérer que votre étiolement et votre décrépitude précoce. Vous êtes bien de votre siècle, vous. Personne ne songera à le contester. Mais bon, voilà que je vous parle de mes affaires de famille. Est-ce que je radote à présent, ou bien est-ce que... Je m'arrête. S'il y a un secret entre nous deux, vous le découvrirez bientôt, monsieur Vibert. Vous êtes assez bon limier pour cela. En attendant, retournons à nos moutons. J'ai beaucoup réfléchi au plan que vous avez conçu et que vous m'avez communiqué. Eh bien, entre nous, il est absurde, impossible, stupide, mais il réussira par cela même. Ah, si votre belle veuve de la rue de la Paix était une parisienne, je vous dirais, Bernique, mon bel ami, elle est incapable de mener à bonne fin une telle entreprise. Elle vous brûlera la politesse à la première occasion et vous reviendrez grougeant comme devant. Mais c'est une Italienne du Nord, une Génoise. On peut se fier à ces femmes-là. Elles n'ont pas encore dégénéré comme beaucoup de leurs compatriotes et comme toutes les nôtres. Ce ne sont pas des poupées de salon, ce sont des femmes, des vraies. Allez de l'avant avec la vôtre, vous arriverez. C'est moi qui vous le dis. Elle vous retournera ce Savary, elle le déchiquettera. Il n'en restera plus un morceau. Votre idée de les comparer à Dalila et à Samson est très heureuse. Par la mort Dieu, pour un homme de votre temps, vous n'êtes pas trop bête et vous méritiez de vivre sous l'Ancien Régime. Mais dites-moi, l'a-t-elle accepté ce plan que vous lui aviez soumis? Vos dernières confidences s'arrêtaient à l'endroit le plus intéressant. On dirait que vous faites du roman feuilleton. Encore une jolie invention des temps modernes. Vite, vite un mot qui me tienne au courant de tout ce qui s'est passé dans votre dernière entrevue avec elle. À mon âge, hélas, on ne vit plus beaucoup pour son compte. Aidez-moi à vivre de la vie des autres. Vous vous en trouverez bien, monsieur. Les hommes de ma trempe n'oublient pas les services rendus, l'ingratitude et d'invention moderne. Post-scriptum, ce gouvernement de juillet fait assez mal les choses. Il n'a pas le sou, du reste. La vie que vous allez peut-être mener vous entraînera de grandes dépenses dont vous ne serez pas couvert, croyez-le bien, malgré l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de vous. Tirez sur moi, ne vous gênez pas, je ne tiens pas à faire des économies pour mon coquin de neveu. Pas de mon siècle, moi, l'imbécile. Autant dire que je suis une ganache. Par la sangbleu, il me le paiera. Vibert s'empressa de répondre. Monsieur le marquis, je suis arrivé avant-hier à 10 heures du matin chez madame Vidal, ainsi que je le lui avais annoncé la veille. Cette fois, je n'ai pas attendu. Elle est aussitôt venue me rejoindre et s'adressant vivement à moi. « J'ai beaucoup réfléchi, m'a-t-elle dit, et puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, je crois devoir accepter votre plan. »« Très bien, madame, » ai-je répondu. Puis, sans perdre davantage notre temps, nous nous sommes assis en face l'un de l'autre et nous avons discuté une foule de détails. 2 heures après, je la quittais et j'entrais immédiatement en campagne. Il s'agissait de préparer les bois et d'étudier la position de l'ennemi afin de le joindre le plus tôt possible et de l'attaquer avec avantage. Dans notre dernière entrevue, monsieur le marquis, j'ai eu l'honneur de vous entretenir d'une certaine Pélagie d'Hermont, autrefois femme mariée, maintenant femme galante. Je vous ai dit qu'elle était liée avec Albert Savary et je vous ai expliqué la nature de leur rapport. C'est ladite dame d'Hermont que je me suis promis de circonvenir d'abord. C'est dans sa maison, si mes projets réussissent, que madame Vidal et Savary se rencontreront pour la première fois. Voici comment je m'y suis pris pour arriver à cette rencontre. Hier, à 2 heures de l'après-midi, je sonnais rue Blanche, numéro 10, à la porte de Pélagie. Si vous m'aviez rencontré dans l'escalier, croyez-le bien, monsieur le marquis, malgré toute votre finesse, vos rares qualités d'observation, vous ne m'auriez pas reconnu. J'avais fait entièrement peau neuve. J'étais travesti en étranger, un homme comme il faut, en jobard, si vous voulez bien me permettre, de me servir de cette expression. Toute femme un peu futée devait s'écrier en m'apercevant « Quel bon pigeon à plumer !» Ma toilette, la voici en deux mots. Redingote, cravate et gilet noir, pantalon gris foncé, gants gris perle, crêpe à mon chapeau, bottes vernies, chaîne longue en or sous le gilet, diamant monté en épingle à ma cravate, autre diamant à ma main droite que je laissais dégranter, stick avec pomme en or, enrichi de turquoise. Vous le voyez, monsieur le marquis, c'était à la fois la mise d'un homme riche et d'un étranger qui n'est pas au fait de nos usages. C'était une de ces toilettes qu'on appelle toilettes à sensation, parce qu'elles font rêver certaines femmes. Inutile de vous dire que mes diamants et mes turquoises sont parfaitement imités. « Madame est-elle visible ?» demandai-je. « Je ne sais pas, monsieur. Monsieur veut-il me donner son nom ?» me dit une soubrette à la mine éveillée. J'eus d'abord l'air de ne pas comprendre, comme si je n'étais pas habitué à la langue française. Puis je répondis avec un accent italien des plus prononcés que mes rapports depuis plusieurs jours avec Madame Vidal m'ont permis de lui emprunter. Mon nom est inconnu de votre maîtresse, mais je lui suis recommandé par plusieurs de ses amis. J'arrive de Naples, et si vous voulez bien lui faire passer ma carte. Je remis une des cartes armoriées que j'avais eu soin de me commander la veille, et la soubrette, après m'avoir fait entrer dans un élégant salon, alla prévenir sa maîtresse. J'étais dans la place. Madame d'Hermont ne tarda pas à paraître. C'était une petite femme blonde, grasse, potelée. Elle était tellement maquillée qu'on ne peut pas dire au juste si elle est jolie. Ses traits sont assez fins, cependant elle a dû être agréable. Elle était habillée d'un grand peignoir en soie bleue qui permettait de deviner des formes accentuées. « Monsieur le comte, me dit-elle en lisant la carte que je lui avais fait remettre et qu'elle tenait encore à la main, enchantée de faire votre connaissance, donnez-vous donc la peine de vous asseoir. « Vous m'êtes recommandé, me dit-on, par plusieurs de vos amis, madame, le marquis de Santavicini, entre autres. « Ah, ce cher marquis, je ne l'ai pas vu depuis 5 ou 6 ans, il va toujours bien. « Toujours, madame, toujours. « Vous arrivez de Naples, comte ?»« Directement, oui, madame. « Et vous avez pensé à venir me voir ?»« C'est charmant. « On me dit tant de bien de vous. « Vous êtes un flatteur. « Nous allons déjà nous brouiller, » fit-elle en minaudant. « Ah, madame, j'en serais désolé. Pensez donc que je n'ai à Paris aucune connaissance, aucun ami. Pauvre jeune homme, mais ma maison est la vôtre. Et que venez-vous faire parmi nous sans indiscrétion ? Je viens me distraire un peu, madame. J'ai éprouvé de grands chagrins. J'ai perdu en quelques mois mes plus proches parents. Vous me voyez encore en deuil. En effet, avez-vous l'intention de vous fixer parmi nous ? Me demanda-t-elle avec intérêt. C'est possible si je me plais à Paris. Vous savez que pour s'y plaire, c'est-à-dire pour y bien vivre, il faut beaucoup d'argent. Oh, peu m'importe, pourvu que je m'y plaise. À cette réponse, faite avec une grande simplicité, Madame d'Hermont se rapprocha encore de moi. Et quels sont vos goûts ? Me dit-elle. Je dois essayer de les satisfaire, puisque vous m'êtes recommandé par mes amis. Mon Dieu, madame, j'aime à peu près tout ce qui est bon et tout ce qui est beau. Voyez-vous cela ? Vous n'êtes pas difficile, mais vous devez avoir des préférences. J'en ai. « Quelles sont-elles ? Vous tenez à les connaître ? Certainement. J'adore la société des femmes. À vous voir, je m'en doutais. »« Comment cela ? Il est naturel, » répondit Pélagie en essayant de baisser les yeux, « qu'on se plaise auprès de celles à qui l'on plaît. Soyez franc, vous n'avez pas dû rencontrer beaucoup de femmes cruelles. »« Monsieur le marquis, c'est la première fois qu'on me fait un semblable compliment. Il faut que je sois joliment déguisé. »« Le croiriez-vous ? Cependant, j'ai été assaigné pour prendre pendant un instant mon rôle au sérieux et pour rougir. Ne vous moquez pas de moi. Lorsqu'on n'a jamais eu la proie, on essaie de se contenter de l'ombre. Afin de n'être pas en reste de politesse avec Madame d'Hermont, j'ai serré une main qu'elle est parvenue à mettre dans la mienne et j'ai dit « Les bonnes fortunes italiennes ne comptent pas, c'est à Paris que je voudrais triompher. » « À Paris, mais rien n'est plus facile, » a-t-elle répondu en feignant de ne pas comprendre. « Nos parisiennes ne sont pas beaucoup plus farouches que vos compatriotes, et si vous le désirez, je puis vous offrir l'occasion d'en rencontrer de charmantes. Je suis une bonne femme, moi. » La langue lui aura tourné, elle voulait dire une bonne fille. Pélagie, qui, encouragée par ma bêtise, venait sans doute de faire son plan, s'est empressée de reprendre. « J'offre justement, ce soir, le thé à quelques intimes, et si vous consentiez à être des nôtres... »« Hélas, madame, toutes mes soirées sont prises, je ne suis pas seule à Paris. »« Seriez-vous mariée ?» m'a-t-elle demandé d'une voix qui voulait paraître émue. « Non, grâce au ciel. » ai-je répondu en la regardant avec tendresse. Elle s'est éloignée de moi en s'écriant. « Vous avez une maîtresse, peut-être ? Oh non, je vous le jure !» J'ai lancé cette réponse avec un accent de sincérité qui a dû la convaincre. Le fait est que, pour la première fois, depuis une heure, j'étais dans le vrai. Je ne mentais pas. J'étais nature, comme on dit vulgairement. « Alors, a-t-elle repris, qui vous empêche d'accepter mon invitation ?»« Je suis venu de Naples avec une de mes parentes. Elle ne connaît personne à Paris et je ne puis l'abandonner le soir dans un hôtel. Mais j'y songe !» me suis-je écrié tout à coup en changeant de ton. « Vous êtes si bienveillante pour moi que, peut-être, voudrez-vous bien me permettre ?»« Quoi donc ? De vous présenter ma parente ?» Pélagie resta confondue. En effet, le coup que je venais de porter était hardi. Me donner pour un homme du monde et avoir l'idée de conduire une de mes parentes chez Madame d'Ermont, c'était d'une inconséquence choquante. Mais j'étais étranger, peu familier avec les mœurs parisiennes. Je ne paraissais pas doué de beaucoup d'esprit. Pélagie devait facilement penser que j'ignorais la situation exacte qu'elle occupait dans la société et que je la prenais non pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle avait été du temps de son mariage. Son amour-propre aidant, elle ne devait pas, après réflexion, être trop étonnée de mon erreur, et il était peu probable qu'elle essayât de m'éclairer sur son compte. Au lieu de faire passer Madame Vidal pour votre parente, me direz-vous peut-être, monsieur le marquis, pourquoi ne la présentiez-vous pas comme votre maîtresse ? Sa présence chez Pélagie se trouvait ainsi tout naturellement expliquée et levait tous les obstacles. Sans doute, c'était beaucoup plus simple, mais j'ai certaines délicatesses ridicules et certaines pudeurs invincibles. Elles sont toutes étonnées de se trouver chez moi, mais il faut bien avouer qu'elles y sont. Il m'a semblé que je n'avais pas le droit de compromettre à ce point Madame Vidal, de l'affubler d'un amant tel que moi, de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, pour ce qu'elle ne peut pas être. Je consens, puisque je ne puis l'éviter, à ce qu'elle se fourvoie chez Mademoiselle Pélagie, mais je veux bien établir qu'elle s'est fourvoyée par suite de mon imbécilité. Du reste, mes calculs étaient exacts. Madame d'Ermont, remise de son premier étonnement, m'a répondu. « Eh bien, cher comte, présentez-moi votre parente, je serai flatté de sa visite. Seulement, prévenez-la qu'il s'agit d'une réunion d'intime. Chez moi, on ne danse pas, on ne touche pas de piano, on cause, tout simplement. » Il arrive quelquefois, lorsque la conversation languit, de faire une petite partie de rien du tout. Êtes-vous joueur ? Oui, je l'avoue. Il faudra essayer de ne pas l'être ici. Je n'aime pas que l'on perde chez moi plus de 3 ou 4 louis dans sa soirée. C'est bien convenu, n'est-ce pas ? À ce soir, cher comte. Je suis obligé de vous quitter pour aller m'habiller. Une de mes amies m'attend pour faire un tour au bois. J'ai pris congé et j'ai embrassé le moins gauchement possible la main qu'on me tendait. Voilà, monsieur le marquis, le récit exact de ma première entrevue avec la femme Pélagie d'Ermont. Je crois avoir assez bien joué mon rôle et mérité vos compliments, auxquels je suis toujours si sensible. À ce soir, la première escarmouche entre Savary et madame Vidal. Si elle allait se trahir, si elle était moins forte qu'elle ne croit, je tremble à cette pensée.